Le mercredi 25 janvier, ici Dominique Lelièvre et les informations. La Ville de Québec entend sécuriser le terre-plein central du boulevard Laurier entre le centre commercial et le CHUL. C'est à cet endroit que Marie-Pierre Gagné a perdu la vie en août dernier, fauchée par un automobiliste. Dès le printemps, des barrières seront installées en guise de mesures temporaires afin de protéger les piétons entre les deux voies de circulation. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a dit travailler avec Laurier Québec, le CHUL et d'autres entreprises du secteur afin de trouver une solution permanente qui pourrait prendre la forme d'une passerelle aérienne ou souterraine. Tous ont accepté de financer l'opération. M. Labeaume a rappelé qu'il fallait arrimer ce projet à celui du service rapide par bus qui doit passer justement par le boulevard Laurier. Sur la rive sud de Québec, Lévis va autoriser dès juin 3 camions de cuisine de rue qui seront présents en permanence au Quai Paquet ainsi qu'au Parc Saint-Laurent. Le projet pilote de l'an dernier à Lévis ayant été couronné de succès, le maire Gilles Lehouillier a décidé d'y donner suite, cette fois de manière plus formelle. La réglementation s'apparente beaucoup aux modalités du projet pilote de Québec présenté en décembre dernier. Les propriétaires de camions devront par exemple détenir un local commercial ayant pignon sur rue. Le tout sera soumis à une consultation publique dans les prochaines semaines. Enfin, les policiers de Québec ont dans leur mire la clinique de cannabis médical La Croix Verte. Le dispensaire de la rue Saint-Vallier a reçu la visite des policiers en avant-midi pour une perquisition. Le service de police affirme avoir procédé à l'arrestation de plusieurs personnes en lien avec des accusations de possession et de trafic de cannabis. En activité depuis octobre dernier, la clinique tentait de se différencier de la boutique Herbes et Curiosités, démantelée par la police en août dernier. Les propriétaires se targuaient notamment d'employer des infirmières et de s'approvisionner auprès de producteurs homologués par Santé Canada, mais ces activités demeuraient illégales au regard de la loi canadienne. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est de la neige aujourd'hui, accumulation de 2 cm et le mercure qui demeure stable à 0 degré. De ce soir et cette nuit, c'est nuageux avec un minimum de moins 5. Demain, jeudi, de la neige également, de 2 à 4 cm de neige et le mercure qui ne bouge pas à 0 degré. De la neige vendredi également avec moins 4 degrés. Présentement à Québec, on a moins 1 degré.